Perles de rubis, tome 1, Upléas, de Anya Tressoler, lu par Anya pour Audiocité. Prologue. 2142, année upléenne. Elle se retourna. Non, personne ne la suivait. Elle était nerveuse, elle croyait entendre des bruits, qui n'est en fait que des bruissements amplifiés par sa crainte. Elle se mit à courir, courir encore et encore. Parfois, elle trébuchait sur une racine ou une tige trop épaisse pour se plier au passage de ses pieds, mais qu'importait, rien ne pouvait venir à bout de sa détermination à cet instant précis. Dans toutes ces fougères, il était difficile d'aller vite, mais il ne fallait pas tarder. Elle ne voulait pas que l'on se rendît compte de son absence et que l'on partît à sa recherche. Si son mari prenait conscience de sa disparition, il s'inquiéterait immédiatement. Il commencerait sans nul doute, lui et ses camarades, par fouiller les galeries. Cela lui permettrait de gagner du temps. Cependant, qu'adviendrait-il si quelqu'un avait l'idée d'aller à la surface? Cette pensée la fit frissonner. Elle se rassura en se disant qu'il n'y aurait jamais de volontaires pour risquer de se faire capturer, rien que pour ramener l'épouse de leur camarade. Elle était presque sûre que non, personne n'irait la chercher hors des galeries. Et depuis le temps qu'elle se rongeait les sangs avec ses suppositions tout en courant, elle avait dû prendre suffisamment d'avance. Elle s'était enfin décidée à partir, à tenter sa chance. Il ne fallait plus reculer. Elle désirait tant partir, partir loin, là-bas, pour au moins voir comment c'était, au-delà de ce ciel vert. Toute sa vie, on lui avait répété qu'une beauté telle que la sienne ne pourrait lui réserver autre chose qu'un destin hors du commun, qu'elle serait célébrée et portée au nu. Alors il était évident qu'elle était plus qu'une simple esclave ou qu'une couarde terrée dans un trou. Les premières années de sa vie lui avaient semblé si prometteuses. Autrefois, elle avait été sélectionnée. Elle n'avait pas oublié. Mais quitter ce monde, comment? Avec quoi? On ne quitte pas une planète à pied. Il faudrait ruser, peut-être se faufiler dans un charter à l'insu des mercenaires. Si seulement c'était possible, si seulement ce qu'elle avait imaginé pouvait se réaliser. Elle s'effondra, découragée et pleura. Son plan était bâti sur des idées vagues, des bribes de conversations interceptées de ci, de là, et des récits faits il y a longtemps par un ami aujourd'hui mort assassiné. En partant dans l'obscurité de cette façon, tout ce qu'elle risquait de gagner, c'était de se refaire prendre et d'être emmenée à leur chef, encore. Ça non, elle mourrait plutôt que de revivre cela. « Non, non, non, jamais je n'y retournerai !» Elle avait crié sans le vouloir, sans le prévoir, mais sa crainte devenait panique. Elle était agenouillée sur le sol, hors d'haleine, et le visage mouillé de larmes. D'autres sanglots se joignirent bientôt aux siens. Elle desserra ses bras et relâcha un peu leur étreinte qui s'était crispée au son du refus violent de son esprit. Ce bébé contre elle, son bébé, même s'il était apeuré, avait gardé le silence depuis leur début, depuis leur départ. Mais le cri de souffrance de sa mère, son désespoir palpable, avait finalement submergé l'enfant à son tour. Xenia regarda le nourrisson geindre, et pourtant, elle ne disait rien pour le consoler. Elle ne tentait aucun mouvement de réconfort, ses yeux n'effectuaient aucune mise au point. Son regard était vague, elle se déconnectait de la réalité. La nuit était claire et calme. Les deux lunes de la planète Nikéas étaient à leur dernier quartier, et une douce lumière éclairait la prairie baignée de brume à l'orée de laquelle Xenia s'était arrêtée. Quelques faibles chants et roucoulements d'animaux pouvaient être perçus ici et là. Le plan à suivre était plus confus dans l'esprit de Xenia qu'il ne l'avait été quelques heures auparavant, et l'heureux dénouement rêvé s'évaporait. Toute la logique, dont elle avait fait soigneusement abstraction jusque-là, revenait à vive allure dans sa tête, sans qu'elle pût la chasser. Elle n'avait pas voulu se décourager en abordant les étapes difficiles, voire insurmontables de son plan. Elle savait qu'à peser le pour et le contre, elle serait tombée sur un si grand nombre de problèmes à résoudre que n'importe qui aurait compris que ses chances d'y arriver étaient nulles. Rendue au croisement de la première et de la seconde étape, Il lui était dur d'admettre qu'elle avait uniquement agi par impulsion et qu'elle s'était mise en péril. Là, à la surface, à moitié cachée sous un buisson avec son enfant, elle était plus vulnérable que dans sa galerie souterraine ou dans un camp d'esclaves. Brusquement, elle reprit ses esprits et leva la tête. Une forte lumière, éblouissante, venait d'apparaître dans la nuit et dissipait la brume environnante. La soudaine clarté semblait descendre et se rapprocher du sol. Un choc lourd fit trembler la terre sous les genoux de la spectatrice, suivi d'un souffle de décompression, ce qui fit redoubler les pleurs de l'enfant. La mère plaqua sa main contre la bouche du nourrisson pour le faire taire et rampa pour observer la scène, jusque derrière une haie, aux feuilles recouvertes de parasites ressemblant à des alvéoses mousseuses. Un bruit de moteur était audible. Seuls les mercenaires disposaient d'appareils à moteur. L'avaient-ils repéré et la traquaient-ils? Ou avait-elle eu la malchance de croiser leur route par hasard? Quand elle eut écarté une branche avec son bras libre, elle aperçut un vaisseau dont le sas d'entrée était ouvert, avec la rampe d'accès déroulée de trois, et trois silhouettes se dessinaient dans la lumière vive et bleue. Ils ne ressemblaient pas à des mercenaires. Ils étaient plus minces et courbés. Ils n'étaient pas recouverts d'une armure, et un seul semblait muni d'une arme. Les silhouettes dans le halo étaient familières. Là-bas ne serait-ce une autre espèce ? Se demanda-t-elle. Cela se pouvait-il qu'il y en ait d'autres ? De sa position, Xenia pouvait saisir quelques paroles. Elle ne comprenait pas tous les mots, toutefois, certaines sonorités semblaient familières. Le premier, qui portait une arme, avait l'air d'expliquer quelque chose aux deux autres qui lui faisaient face. Ces deux derniers paraissaient entretenir une discussion animée, ne prêtant pas une grande attention à leur interlocuteur armé. « Reine Zenunuma, roi Idlé, vous avez une heure, dépêchez-vous, et ne vous faites surtout pas remarquer, » indiqua le garde. « Épouse Zenunuma, tu es sûre que c'est ce que tu as vu ?»« Époux Idlé, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. »« Épouse Zenunuma, il y en a toujours d'autres, nous n'avions qu'à adopter dans un orphelinat. »« Époux Idlé, tu connais ma réponse. » « J'a t'ai déjà dit que non, j'a refuse de mettre mon honneur en jeu. J'a sais très bien que vielles penseront de moi. J'aurai ma propre enfant, personne n'en saura rien. Épouse Zenunuma, c'est tout de même très incertain. Une enfant sauvage, que veux-tu pas que nous en fassions ? Époux Idlé, son éducation fera tout. Et arrête de discuter, nous l'avons déjà assez fait, partons. Reine Zenunuma, désirez-vous que je vous... Vois accompagne, ce n'est pas prudent. Viviane, c'est inutile. Reine Zenunuma, comme vous voudrez, mais je continue à penser que c'est une mauvaise idée. Ce dernier s'inclina et laissa passer les deux autres. Effrayé et méfiant devant ces étrangers qui arpentaient d'un pas incertain la clairière et qui avaient pris la direction de sa cachette, Xenia fit marche arrière, un peu trop précipitamment et trébucha. Dans sa chute, elle se retint de son avant-bras, lâchant par la même occasion la bouche du bébé qui laissa échapper un cri. La silhouette la plus droite et haute des nouveaux venus perçut immédiatement ce bruit de nourrisson et tourna la tête instinctivement dans la direction. « Ipou Idlé, par là !»« Zema, mais... » Le pas pressé de Zenunuma s'accéléra pour se transformer en un pas de course vif et elle rattrapa bientôt la fugueuse en quelques enjambées. « Ayez pitié de moi, je suis aux abois, continuez votre chemin, je ne dirai rien !» supplia Xenia, au sol, pas encore relevé. « Étrangère, qui es-tu ? » Que dois-je vous offrir pour que vous me laissiez partir ? Étrangère, quel est ton nom ? » Xenia savait que les étrangers s'adressaient à elle. Ils n'avaient pas l'air dangereux. Mais même si quelques mots de leur langage lui paraissaient compréhensibles, elle n'était pas sûre de leur intention, et elle ne savait que leur répondre. Au fil des rencontres qu'elle avait faites, il fut un temps, elle avait plus qu'appris à se méfier. L'autre petit et courbé, qui pour l'instant s'était tu, s'approcha de la première silhouette, qui semblait être sa compagne. « Zema, ma chère, fais un effort. Elle ne parle pas notre langue. Mais elle semblerait qu'après toutes ces années, nous ayons tous gardé les mêmes bases. C'est déjà une bonne chose. Époux Idlé, as-tu perdu l'esprit ? Je ne vais tout de même pas parler comme une ancêtre. Zema, cela semble inévitable. » Une pointe d'amusement non dissimulée résonnait dans la voix du roi. Le don de la reine pour se compliquer la vie ne cessait de le charmer. Dans la situation actuelle, c'était de devoir parler une autre langue qui posait le plus de soucis à Zénimouma. La reine s'accroupit à hauteur de Xenia et souffla lentement en tâchant de s'exprimer clairement, mais cela lui demandait un effort considérable. Ses cordes vocales desséchées n'étaient pas habituées à formuler de tels sons, et utiliser ce vieux langage était, pour elle, dégradant. Nous avons peu de temps. Est-ce là ton enfant? Xenia resta un instant effarée. Elle s'adressait à elle dans sa langue maternelle. Elle domina sa stupeur pour répondre. Oui, bien sûr, c'est ma progéniture. S'il en est ainsi, dis-moi, veux-tu pas partir d'ici? Les yeux grands ouverts, éberlués, Xenia resta un moment interdite, ne sachant que faire ni dire. Elle ne comprenait pas que son interlocutrice entendait par là, et elle cherchait où se trouvait le piège dans la proposition alléchante qui lui était faite. « Veux-tu pas partir d'ici? Un seul mot suffit !» s'impatienta Zénimouma. « Pourquoi feriez-vous cela? Qui êtes-vous? Qui vous envoie » finit-elle par réussir à articuler, soudainement plus méfiante qu'apeurée. La reine poussa un soupir. La situation la mettait mal à l'aise, mais il n'y avait qu'à elle-même qu'elle pouvait s'en prendre. Elle devait absolument faire un effort. Elle était sur le point d'avoir un enfant dans un temps record. Elle regarda l'autochtone droit dans les yeux et posa une main sur son épaule. « T'aider est notre souci. Nous changerons ta vie si ce bébé, tu as veux bien me laisser. » Xenia allait ouvrir la bouche, mais la reine la coupa d'un signe souple et gracieux avec une autre main. « Laisse-moi finir. Vends-moi ton enfant et nous te délibérerons sur le champ. Ainsi, tu la vivras là où tu la voudras. Tu la garderas le silence sur toute cette affaire, sinon tu la subiras ma colère. C'est la dernière fois que tu la verras ton rejeton. Ce sont là les deux seules conditions. Maintenant présentées à toi, les acceptes-toi. » Oui, oui, totalement, complètement, réussit-elle à bafouiller sans détacher son regard de Zénimouma. La reine l'aida à se relever. Xenia garda le bébé farouchement serré contre elle, comme si on risquait de tenter de lui arracher des bras, et marcha avec eux vers le vaisseau. Le roi, qui n'avait rien dit, observait cette sauvage d'un air triste et désolé. Il examinait aussi du mieux qu'il pouvait son futur enfant. Quand ils furent tous montés à l'intérieur de l'appareil, le vaisseau s'ébranla, prit un peu d'altitude, les supports rentrèrent dans la soute, et il ne fut bientôt qu'un point dans le ciel nocturne pour les éventuelles créatures qui l'auraient vu partir. Quand ils eurent quitté l'atmosphère nichéenne, Viviane, le garde du corps, entra les coordonnées de leur destination de retour, la planète Upléas, et le pilote automatique lui succéda aux commandes. Il rejoignit les passagers. L'inquiétude qui se lisait sur son visage lors de l'atterrissage avait laissé place au soulagement. Il semblait beaucoup plus détendu. Quand il passa la porte du sas, il vit le roi balayer d'une sonde un linge en haillons, dans lequel se trouvait le bébé, qui était tenu par une étrangère, très belle, mais d'une autre espèce à en juger par l'éclat luisant de sa peau bleue et de ses yeux roses. Une analyse numérique s'afficha sur l'écran de la sonde. L'enfant était en bonne santé. Zénimouma fit signe de la tête à Viviane d'apporter ce qu'il convenait. Le serviteur revint quelques instants plus tard avec un coffre. Devant tout cet argent, Xenia tomba au sol, poussa sa fille dans les bras du roi assis à côté d'elle, qui attrapa le nourrisson du mieux qu'il put, et regarda toute cette fortune les yeux écarquillés. Un amé lui avait expliqué un jour le système monétaire. Elle savait donc ce que c'était. Elle l'avait rêvé tellement souvent. Toute sa vie de misère, sûrement. Mais elle n'en avait jamais vu, n'en serait-ce que l'ombre. Il lui aurait été impossible de tenir tout ça dans ses bras. Il lui semblait qu'elle pouvait s'acheter l'univers entier. La reine lui dit « Parfait, tout cela est à toi. Mettons-nous d'accord, une dernière fois. Rubis sacré, regarde-moi. Nous ne te le reprendrons pas. Tu es libre, et cet argent est le tien. Tu vas rompre avec cet enfant tout lien. Viviane, par ailleurs, sera ton serviteur, et d'une véritable citoyenne te créera l'identité. J'ai toute confiance en lui, il est fidèle et dévoué. Il veillera à ce que tu ne transgresses, ni ne désobéisses à ta promesse. » Tu peux jouir de ta vie désormais et sans dette. Tu vas partir avec Viviane sur le champ, votre capsule est prête. » Les yeux remplis de gratitude, Xenia acquiesça machinalement de la tête, et alors qu'elle était restée à genoux à contempler sa fortune, elle courba le torse et posa chacune de ses mains sur les genoux fléchis de la reine, signe de reconnaissance et de grand respect. Le roi sembla s'amuser de la scène. Leur culture avait gardé des points communs. Quand ils furent sur le point d'arriver à bon port et que la petite capsule de secours fut prête, Viviane embarqua avec Xenia. Le serviteur regarda sa reine une dernière fois, les yeux pleins de promesses. En sacrifiant sa vie et sa carrière ainsi, pour une mission si officieuse et privée, il espérait que la reine comprendrait que son devoir de garde du corps n'avait jamais été sa seule motivation pour la servir. Dans le petit vestibule où elle avait pris place, Xenia regarda par le hublot et vit que la sphère rouge qu'elle avait aperçue lors de leur départ formait désormais une planète rouge-orangée, la planète qui allait servir de foyer à son enfant. Elle souffla dans sa contemplation quelques paroles, comme dans une pensée pour elle-même. « Cet astre est bien une planète, et c'est de là que vous êtes. » Enfin, juste avant que ne se fermât le sas de la capsule qui l'emmènerait vivre dans un autre système solaire où elle découvrirait la liberté, Xenia s'étonna que le sujet ne fût pas abordé, se tourna vers la reine pour dire « Vous ne m'avez pas demandé, elle s'appelle Maquet. » Quel que fût son nom, ce n'est plus le sien. C'est par nos traditions qu'elle sera baptisée demain. Occupe-toi de ta destinée, respecte les conditions et garde tes origines secrètes. Viviane veillera à ce que l'idée de les révéler ne te vienne pas en tête. » La reine activa la fermeture de la porte coulissante et regarda s'éloigner la capsule. Le roi, tenant l'enfant, s'approcha de son épouse, les yeux remplis de larmes. « Zema, sa mère est magnifique, elle le sera tout autant. C'est une fille. Nous ne pouvons pas mieux tomber. » Il déposa ainsi l'héritière dans les bras de sa nouvelle mère, qui la saisit tendrement en lui souriant. C'était sa fille, peu importait le passé, c'était son enfant à elle. Elle sentit un lien se nouer dans ses entrailles, et ce fut comme si elle l'avait porté. Le roi se rapprocha et resta près de son épouse à contempler ce petit espoir qu'ils avaient cru ne jamais posséder. Quelques jours plus tard, la naissance de l'héritière royale du trône du Pléas fut proclamée. Toute la population de la planète du Pléas était en liesse. Les médias ne cessaient de s'en étonner, personne n'y croyait plus, et finalement, la reine avait donné vie à son héritière. Dans le grand temple, où étaient célébrés tous les événements relatifs à la famille royale, l'enfant fut baptisé pour être déclarée officiellement princesse royale et future reine du trône de la planète du Pléas. Au centre de la nef du temple, l'enfant flottait dans une bulle antigravité, et à presque 2 mètres du sol. L'assistance entière réunie pouvait ainsi contempler la petite fille. Dans ces occasions, le maître de cérémonie était le dévot, un petit suppléen très âgé et à l'allure étrange. Il se tenait derrière la bulle transparente, perché sur une haute chaire, une couronne de perles de rubis dans ses bras tendus triomphalement. Alors qu'il déclarait les mots qu'il avait précédemment prononcés pour la reine Zeninouma, sa mère Ziwalkobi, et encore bien des reines passées, il laissa tomber la couronne sur la bulle, qui accueillit le précieux joyau, et ce dernier trouva son chemin jusqu'au chef de la petite princesse. La voix, tremblante, enrouée, mais empreinte de sagesse, du dévot, résonna sur les pierres blanches et lisses du temple. « Enfant, te voilà princesse royale et future reine du peuple upléen. Puisses-tu acquérir dans ton apprentissage toute la majesté et la sagesse qui sied à une reine. Deviens juste pour servir ton peuple de la meilleure façon qu'elle conviendra. Par le nom de ta mère Zeninouma et le nom de ton père Idlé, je te baptise Zélé. »